ça change pas. J'ai du buzz mais change pas. Ça mis sur la Talenta, quota de Guaranta. Ça charbonne tout l'été, l'hiver ça se passe au bord de mer. Tous endettés, ça joue à Paris jusqu'à perdre. Toi depuis qu'elle t'a quitté, t'es devenu gentil avec tes potes. C'est pas ma faute si moi m'écoute plus que les autres. À ce que je respecte et je m'adapte, c'est le principal, c'est le jackpot. On fume la butada, même si tu m'aimes, tu crapotes. Les hardis sont dans le business, la liste fait de la fitness. Tous en mode hypnose, troisième prototype. Hey, t'as mis la cagoule, mis les gants. La dalouette a du cran. T'es Mac, j'ai fait 800. Le Vario, c'est trop puissant. C'est pour moi. Corsé,